Qui enchantait l'enclos, et a lâché le troupeau pour s'envoler plus haut. Marlon, Marlon, Marlon, Marlon, Marlon, Marlon, Marlon, Marlon. Tu volais d'un trop haut, on a troué ta peau. Avec un fusil gros, on t'a mis sur le dos. T'es tombé dans le ruisseau, au milieu des roseaux, avec un lamento. Pris des ciseaux, découpé jusqu'aux os, ton plumage si bas. Oh, oh, oh, oh. De tes ailes d'oiseau, on a fait un plumeau, on a mis en morceaux ta chair dans le. Dans un plateau, sur un nid d'abricots, tu joueras du ping-pong dans le ventre du grain. Vol petit oiseau jusqu'au fond de son cerveau. Marlon, Marlon, Marlon, Marlon, Marlon, Marlon, Marlon.